Cyubahiro. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio Isanganiro. Les grands titres de ce journal, un policier a été blessé par grenade lancée dans la nuit de ce mardi près du collège communal de Gihanga par des malfaiteurs non autrement identifiés. Certains responsables des partis politiques dénoncent l'intolérance politique observée à l'endroit des membres des partis de l'opposition. Dans ce journal, vous entendrez le président du parti Savanya Frodebu et celui du PD Zigamibanga. Certaines maisons de Gatunguru en zone de Rubirizi sont menacés par des eaux de ruissellement à cause de la déviation de ces eaux au cours des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Les habitants de la localité crient au secours. Dans la chronique santé, nous vous parlerons des bienfaits du traitement contre le VIH en vue de réduire le virus dans le corps des malades. Le détail de ce journal est mis en nom de par Epitas Ndaishimiye, c'est dans quelques instants. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page sécurité pour commencer ce journal. Des personnes non encore identifiées ont lancé une grenade et ont tiré des balles en direction du collège communal de Gihanga dans la commune de Gihanga, province de Ubanza, dans la nuit de ce lundi. Un policier, c'est Bouchard Edouard, a été légèrement blessé par les éclats de grenades. Au quartier Viondo de la même commune, ces malfaiteurs ont tué un certain Maniram Martin alias Gangi qui était parmi les personnes récemment libérées par grâce présidentielle. Correspondance de Space Caritas Kabanyana depuis Gihanga. C'est à 22h, passé de quelques minutes, que des tirs intermittents et des explosions de grenades ont commencé à se faire entendre à Gihanga. C'était au cours de cette nuit de lundi à mardi. Les habitants de la localité, qui indiquent qu'ils ont passé la nuit dans une peur panique, précisent que l'attaque aurait été dirigée contre le commissariat de police de Gihanga. C'est là où ont commencé à retentir des tirs nourris et des explosions de grenades, comme ils le disent. Au cours d'une réunion de sécurité tenue sur la colline Gatura dans la commune de Bubanza ce mardi, l'adjoint du commissaire provincial de police chargé de la sécurité a précisé qu'au cours de cette attaque, une personne du nom de Maniram Martin, alias Gangi, récemment libéré de la prison de Bubanza par la grâce présidentielle, a été tuée par ces malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Les habitants du quartier Viondo, où il a été abattu, racontent qu'ils ont entendu dans leur cachette des gens qui l'ont intimé l'ordre de s'arrêter alors qu'il allait arriver chez lui et il a été tué à bout portant. Un policier a été également blessé par des éclats de grenades lancés à l'intérieur de la clôture du commissariat de police de Gihanga, selon des sources policières à Bubanza. Ce mardi matin, les habitants de Gihanga et des villages voisins n'avaient pas accès à leurs activités quotidiennes. Les routes étaient seulement occupées par des forces de l'ordre et n'ont été ouvertes que vers 10 heures de ce mardi. Certaines maisons ont été fouillées, des personnes arrêtées pour manque de documents d'identification ont été relaxées par après. Space Caritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Page politique, la commune Mugamba de la province de Bururi est dotée d'un nouvel administrateur communal et à peu près de 7 mois d'intérim à la tête de cette commune. Madame Jacqueline Nakirutimana de Tiniwutu, récemment élue par le conseil communal, remplace Anissé Niyonzima, également Utu, après sa suspension, accusée de détournement des fonds publics. Le gouverneur de Bururi dit que la nouvelle responsable de la commune Mugamba entrera en fonction dans des sauts samedi pour alléger la souffrance de la population qui avait des difficultés à accéder à certains documents. Le parti Savanya Frodebu déplore l'intolérance politique à l'endroit des membres de l'opposition qui s'observe dans ces derniers jours. Pierre Claver Nahimana, président de son parti, trouve que cette intolérance politique pourra être une entrave au processus électoral en vue. Suivez le président du parti Savanya Frodebu, Pierre Claver Nahimana. Vous savez, en ce qui nous concerne, ce ne sont pas tellement les lois qui sont mauvaises dans ce pays. Les lois qui sont dans ce pays sont bonnes. Mais pour l'instant, comme on est dans un processus électoral, ce que nous considérons comme entrave, comme frein, ce sont ces situations d'insécurité que nous constatons dans le pays. Ce sont ces situations d'insécurité, de mauvaise cohabitation entre les partis politiques de l'opposition et le parti au pouvoir. Au moment où je parle, je reçois beaucoup de messages en provenance de beaucoup de communes du pays, beaucoup de provinces, notamment Makamba, notamment Muyinga, Butihinda, particulièrement Muyinga, Butihinda, où, même ces derniers jours, il y a eu des bagarres entre des militants de la mouvance présidentielle et des militants de l'opposition. On ne parvient pas à maîtriser cette situation. Et on a compris que ces violences sont suscitées effectivement par certaines recherches des militants. Alors, si les pouvoirs publics ne parviennent pas à maîtriser cette situation dans ces communes, dans tout le pays, même ces lois qui sont bonnes ne pourront rien faire dans les activités politiques qui sont en train de devenir notamment. On sait très bien que si on se prépare aux élections, nous allons avoir beaucoup d'activités politiques. Si les gens ne sont pas libres de mener les activités politiques avec une sécurité suffisante, même le code électoral, qu'il soit bon, même s'il est très bon, il sera impossible que ces élections qui viennent se déroulent dans une bonne ambiance. Le parti IPDS Gamibanga, de son côté, s'insurge contre l'intolérance politique entre les membres des partis politiques. En ce moment où le Burundi s'achemine vers les élections de 2020. Le président de son parti demande aux responsables des partis politiques, aux jeunes militants et aux administratifs d'utiliser un langage non violent. Suivez Kassim Abdoul, il est président du parti IPDS Gamibanga. Au niveau du parti IPDS Gamibanga, nous entendons de ces malentendus qui se passent à gauche à droite, mais nous voulions effectivement interpeller les uns et les autres, les responsables des partis politiques au niveau national, au niveau des provinces, au niveau des communes, d'être tolérants les uns envers les autres, parce que nous faisons une compétition et une compétition doit être légale, une compétition doit être transparente. Nous ne comprenons pas des attitudes d'intolérance parce que nous sommes tous des Burundais et nous luttons pour le bien-être d'un même pays et d'un même peuple. Ainsi donc, je voudrais interpeller toutes les femmes et les hommes politiques, de même que l'administration et les uns de l'autre, un, de voir s'ils sont conformes à la loi. Parce que c'est la loi qui protège l'administration, c'est la loi qui protège les institutions et c'est la loi qui protège tous les citoyens. De deux, tout le monde devait voir si nous utilisons un langage, vraiment un langage qui rassure tout le monde. Il n'est pas normal que des gens se livrent à des langages qui blessent les autres, qui a des langages qui intimident les autres, parce que cela ne sert ni l'intérêt de la population, ni l'intérêt de tout le pays. Ainsi donc, on doit, pendant cette période-là, être tolérant les uns envers les autres et vérifier que dans les agissements de tout le monde, on soit guidé par la loi et on soit guidé par l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple burundais. C'était Kassim Abdoul, président du parti UPD Zigamibanga. Dans la suite de la présentation de projets de société des partis politiques, c'est le tour du parti Paripé Agakiza qui met en avant une politique de respect des droits de l'homme et la démocratie. Casimir Ngendanganya, président de ce parti, trouve également que les relations diplomatiques entre le Burundi et d'autres pays doivent tenir compte de la souveraineté du pays. La même formation politique prévoit de mettre en place une politique de stockage de l'eau. Suivez plutôt Casimir Ngendanganya, président du parti Paripé Agakiza. Le projet de société, en principe, s'articule autour de l'idéologie que nous avons fixée au Paripé, en tout cas nous l'avons créée en 1980. D'abord, c'était quoi l'idéologie? Mais l'essentiel, entrer du Burundi dans une démocratie, démocratie Nkezabuntu, comme nous l'appelons en Kirundi, c'est-à-dire une démocratie qui met le Burundi, Hutu, Tutsi, toi, tout le monde, sur le même pied d'égalité, le Burundi au centre de tout. Parce que le Burundi, c'est lui qui met en place les dirigeants, c'est lui qui nourrit le pays avec ses mains, donc il doit en tirer le maximum de dividendes. Si le Burundi ne tire pas de dividendes dans cette démocratie, alors que c'est lui qui est l'animateur principal, ça c'est pas une vraie démocratie pour nous. Et là, nous avons mis trois axes pour ce qui est du projet de société, le volet économique et le volet socio-économique. Pour ce qui est du volet politique, nous distinguons la politique intérieure et nous distinguons la politique extérieure. Par la politique intérieure, là, compte tenu de notre idéologie, c'est la promotion d'une démocratie, je dirais, anthropocentrique. Une démocratie qui met en avant le Burundi, le citoyen, Hutu, Tutsi, toi, femme, homme, sur le même pied d'égalité. Qui dit promotion de la démocratie dit promotion des valeurs démocratiques, notamment la justice, les droits de l'homme. Au niveau de la politique extérieure, nous disons, c'est promouvoir la collaboration avec l'extérieur, mais sur base de notre souveraineté nationale, parce que nous avons été indépendants. L'extérieur vient nous aider, mais ne vient pas remplacer les Burundis. L'extérieur vient respecter aussi la politique intérieure du Burundi. Maintenant vient le volet économique. Pour ce qui est du volet économique, qu'est-ce que nous proposons au Burundi? D'abord, l'exploitation rationnelle des dons du ciel, c'est-à-dire les ressources naturelles, pour l'intérêt de tous les Burundais, de manière à ce que ces ressources naturelles puissent contribuer au développement intégral. Par exemple, l'agriculture. Il faudra voir comment conserver l'eau. Même les pays des déserts, comme l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas d'eau, qui ont une pluviométrie de 3 mois, ces pays cultivent et peuvent vivre. Mais nous, par exemple, il y a un gaspillage d'eau. Il faudra mettre en avant la conservation, stockage de l'eau, de manière à ce qu'on puisse augmenter les périodes de production. Maintenant, il y a l'énergie et les mines. Il y a les mines aussi, il faut les exploiter et les transformer. Pas les envoyer comme ça à l'extérieur. Il faut faire la promotion de les traiter, que ce soit un produit fini ou semi-fini, selon les possibilités du Burundi. Après vient le tourisme et l'environnement. Environnement, c'est une politique mondiale, on doit s'y conformer. Maintenant, la politique de l'emploi et la sécurité sociale pour diminuer le chômage. Qu'est-ce qui peut rassurer les Burundais que votre projet de société est réalisable? L'assurance, c'est qu'ils nous feront confiance. Donc, nous sommes ouverts aux critiques, nous sommes ouverts aux conseils. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h, passé de 9 minutes dans nos studios, poursuivons ce journal par la page Justice. La mesure de libération des prisonniers par grâce présidentielle contribue au désengorgement des prisons au Burundi. C'est la précision de Maître Salvatore Minani, vice-président de l'association Action for Justice and Equity in Burundi. Et dans un point de presse animé ce mardi, Maître Minani lance un appel aux juges à diminuer des peines privatives de liberté et favoriser d'autres types de peines, notamment les travaux d'intérêt public. Suivez-le. Et cependant, cette mesure à elle seule ne suffit pas car la population carcérale burundaise reste des plus élevées. À titre d'exemple, la prison centrale de Mpimba abrite plus de 5 fois le nombre de prisonniers qu'elle devrait contenir, ce qui a des conséquences néfastes sur la vie de ces prisonniers, notamment par rapport à l'hygiène, à l'hébergement, à la restauration et à d'autres aspects. Le transfert interminable, l'éloignement des proches, etc. sont d'autres conséquences possibles suite à cet état de fait et peuvent être à l'origine des frustrations des prisonniers qui, même étant dans cette situation, devraient être traités avec dignité réservée à la personne humaine. Les cours et tribunaux sont en particulier demandés de faire bonne application des dispositions pertinentes du Code pénal burundais et ne pas toujours mettre en avant la peine privative de liberté qui peut être remplacée par d'autres mesures, notamment les travaux d'intérêt général, où ces cours et tribunaux peuvent prononcer des sanctions, mais avec sursis. Il y a des prisonniers qui étaient écrasés l'année passée, mais qui ont été libérés récemment. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour que cette erreur ne se produise pas? C'est-à-dire que la commission en charge de l'exécution du décret présidentiel devrait travailler d'arrache-pied pour que les personnes qui ont bénéficié de la grâce ne croupissent pas toujours dans la prison. Ce serait aussi une mesure de désengorger le plus rapidement possible les prisons. Bien entendu, la prison n'est pas la bonne place. Des habitants de la colline Gatunguru, zone rubilisée en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, se plaignent que leurs maisons sont menacées par des eaux de ruissellement. Ils estiment que la cause est la déviation de ces eaux sans toutefois leur donner de destination lors de la réhabilitation de la route nationale numéro 1. Ils déplorent que les routes à cet endroit sont presque impraticables et demandent aux autorités habilitées de trouver solution à cette situation. Reportage de Vestine Butoi. À 50 mètres de la présidence située sur la colline Gasenyi, il y a un étang d'eau, à côté duquel se trouve un caniveau émanant de la route nationale reliant Bujumbura et Gitega. Ce caniveau est construit jusqu'à 10 mètres de sa longueur. En aval de celui-ci, il y a des ravins, apparemment creusés par des eaux de ruissellement. Depuis le dit caniveau jusqu'à 100 mètres, il y a des maisons. Un des habitants de cette localité indique que l'eau qui menace leurs infrastructures proviendrait des collines surplombant le dit endroit. Normalement, c'est à haut de la colline ici où nous vivons. Il se pourrait que lorsque les Blancs ont construit la route de ce côté-là, ils avaient dévié des bises qui n'ont pas remis l'eau à l'état, donc la voie qui menait l'eau. Ils n'ont pas dévié comme c'était auparavant. Maintenant, lorsqu'il pleut, nous, on n'a pas la paix ici. Il ajoute qu'en plus des maisons sous menace, des routes qui s'y trouvent sont presque impraticables. Lorsqu'il pleut, nous avons des problèmes à circuler, mais les voitures ne parviennent pas à rouler très bien. Je suis déjà victime de cette eau. Ma maison est déjà détruite par cette eau. Cependant, ces habitants déplorent que même les activités qu'ils y fassent pour sauver la situation restent sans effet. Cette eau provient des vallées et des ruissellements différents. Pour nous qui exerçons certaines activités tout près de là, quand la pluie tombe, la route n'est plus passable. L'eau déborde. Nous essayons toujours de la déboucher, mais en vain, car la pluie est retombée et la situation est redevenue comme avant. Ils font savoir que les autorités locales sont au courant de ce problème, même si celui-ci persiste. Ils demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide avant que la situation ne s'empire. Il y a plus d'une année que la situation se présente ainsi. Merci Vestine. Dans la capitale économique Bujumbura, près de 20 lunetteries illégalement ouvertes ont été fermées ce mardi par le ministère burundais de la Santé publique dans la galerie du marché en plein centre-ville de Bujumbura. Le porte-parole de ce ministère, Dr Jean Bosco Girukwishaka, a fait savoir que parmi les 18 maisons, quelques-unes avaient été fermées puis réouvertes par leurs propriétaires sans aval du ministère. Rendons-nous à Ngozi où 10 hectares de champs de manioc de bonne qualité, plus productives et résistants aux maladies ont été plantés en province d'Ngozi afin de se préparer à l'ouverture d'une unité de transformation de cette culture qui ouvre ses portes au mois de juillet. Emmanuel Fikili, représentant du Prodema dans la région nord-ouest, projet qui a fourni ses boutures, appelle les agriculteurs à s'atteler davantage à la culture de manioc qui sera désormais commercialisé puis payé comme le café. Apollinaire Muzagara. Comme l'indique le responsable du projet de productivité et de développement des marchés agricoles, cette unité de transformation sera alimentée d'abord par du manioc habituellement cultivé en Ngozi et dans les provinces environnantes. Pour se préparer à l'ouverture de cette unité de transformation, environ 10 hectares de manioc ont été plantés par des associations de cultivateurs de cette denrée en province Ngozi, dit Emmanuel Rufsiki. Ce dernier indique que cette usine acquérera à la fois du manioc amer et celui doux, car les deux vont donner de la farine de bonne qualité après la transformation, farine semblable à celle utilisée pour la fabrication d'huppes. Des centres de collecte de manioc seront mis dans tous les coins de la province, des centres qui seront chargés de faire les premiers travaux de traitement avant d'acheminer ce produit à l'unité de transformation, explique-t-il. Aussi des tricycles motorisés chargés du transport du centre de collecte à l'usine seront disponibilisés par le Prodem. Le représentant de ce projet conseille à cet effet les agriculteurs d'Ngozi et des environs de songer davantage à cette culture qui leur sera plus bénéfique qu'auparavant, indiquant qu'ils seront désormais payés à l'instar du CAF d'Ngozi. Apone Muzagara, Radio Isangani. Radio Isanganiro, chronique santé. Une personne séropositive qui prend correctement son traitement empêche le VIH de se développer et bloque son évolution. Il y réduit ainsi sa charge virale jusqu'à un niveau trop faible pour pouvoir être détecté par un test de sang. Selon le directeur du programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, atteindre une charge virale indétectable permet de diminuer l'impact du virus sur le corps. La chronique santé de ce mardi, c'est avec Francine. Il existe dans la communauté des personnes qui vivent actuellement avec le VIH-Sida sans le savoir. Ce sont ces dernières qui continuent à transmettre dans l'ignorance le VIH, comme l'indique le directeur du Programme national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles. Sinon, pour le docteur Ndaïdze Yeme, les personnes dépistées séropositives sont mises directement sous traitement. Si une personne est dépistée séropositive, le même jour ou plus tard dans les 7 jours qui suivent le diagnostic, que la personne soit mise sous traitement. Et là, pour la plupart des personnes, presque à 100%, ils sont mis sous traitement. Alors, l'autre préoccupation, c'est que pour ces personnes qui sont sous traitement antirétroviral, c'est qu'ils puissent être observants au traitement pour qu'il n'y ait pas des abandons. Cela a des implications. Si l'observance au traitement est bonne, pour la nouvelle personne enrôlée au traitement, c'est que et dans les 6 mois qui suivent le traitement, et normalement, la charge virale est indétectable au niveau du sang. Et après les 6 premiers mois pour la nouvelle personne enrôlée au traitement, on fait cette fois-ci après une année de traitement. Et là, en général, c'est que la charge virale soit supprimée pour toutes les PVH. Et après, on refait le bilan chaque année. Ce traitement peut réduire la quantité du virus dans le sang jusqu'à un niveau indétectable à condition de suivre les prescriptions à la lettre. Tel que c'est précisé dans la directive de prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH, si la personne débute le traitement, on fait sa première charge virale à 6 mois. Donc on attend 6 mois pour que les médicaments agissent. Et donc si la personne a été observante au traitement pendant les 6 mois, en général, s'il n'y a pas d'autres problèmes, on trouve une charge virale qui soit déjà supprimée. Donc la suppression précoce de la charge virale. Si ce n'est pas supprimé, on attend une année. Et là, en général, après une année, c'est que s'il n'y a pas d'anomalie, là, une charge virale est supprimée. Donc, on ne fait pas la charge virale tous les mois ou tous les jours. Vous comprenez? Pour les nouveaux cas, on le fait à 6 mois et on le fait une année après. Et après, on le fait chaque année. Lorsqu'une personne a une charge virale indétectable, cela ne veut pas dire qu'elle soit guérie du VIH. Et si on a une charge virale indétectable, ça ne veut pas dire qu'on est guéri. On a quand même des copies qui sont déjà minimes dans le sang. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit adopter maintenant des comportements à haut risque de transmission des VIH, notamment les vagabondages sexuels, notamment les infidélités dans les couples, parce que là, même si le risque est minime, le risque n'est pas égal à zéro, on peut transmettre le VIH. Mais aussi, on peut attraper d'autres types d'infections sexuellement transmissibles. Donc, pour ces personnes, bien qu'elles aient une charge virale indétectable, il faut qu'elles adoptent des comportements à moins de risques. Le maintien d'une charge virale indétectable peut prévenir la transmission du VIH, selon toujours le docteur Emendaïdzeye. So, directeur du programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, estime que toute personne devrait savoir son statut sérologique pour ainsi avoir l'idée de quel comportement adopter face à sa séropositivité. C'est par cette chronique santé que nous mettons un point final à cette édition à 13h passé de 19 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Epitas Ndaishimiye pour sa collaboration technique. Continuez à suivre les programmes de la radio Isanganiro. Yeah.